travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. La radiodiffusion télévision française vous présente Les libraires savent lire. Écoutons les libraires avec soin, car si les auteurs disent volontiers du bien de leurs œuvres, et si les critiques en disent souvent du mal, les libraires, eux, savent la vérité. Ils sont en contact avec... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. C'est en hommage à une corporation qui nous est précieuse que le sujet de cette émission vous est proposé. Nous allons parler des librairies et par conséquent des libraires. La commotion sanitaire que nous affrontons depuis tout juste un an, les a installés parmi nous dans une situation assez singulière. Le 16 mars 2020, le chef de l'État, s'adressant à la nation pour lui annoncer qu'elle était en guerre et qu'une forme d'union sacrée s'imposait, s'était écrié au moment d'annoncer le confinement, je le cite, « Retrouvez le sens de l'essentiel, lisez ». Nous nous sommes sentis, bien sûr, tout prêts à obtempérer. Mais malheureusement, nous avons appris aussitôt après que les librairies ne figureraient pas parmi ceux des commerces qui resteraient ouverts, parce qu'elles n'étaient pas, l'adjectif fut le même, essentielles. Donc, des librairies nous fûmes privées durant plusieurs semaines et à nouveau lors du deuxième confinement. Ce fut une frustration dont personne n'avait probablement prévu l'intensité. Une frustration qu'on ressentit aussitôt et qui fut confirmée après coup lorsque les portes se rouvrirent pour la seconde fois le 28 novembre de l'année dernière. Car l'afflux du public avant Noël, en heureuse retrouvaille, fit que le chiffre d'affaires annuel du secteur en 2020 n'en fut, nous dit-on, que très peu affecté. Notre interrogation découle tout droit de cela. Comment l'histoire a-t-elle donc progressivement mis en place, en France comme ailleurs, selon besoin des librairies que la crise actuelle affirme avec tant d'éclat? Patricia Sorel, maître de conférence à l'université de Paris 10 Nanterre, qui vient de publier un ouvrage sur ce thème, va éclairer pour nous la genèse d'une profession qui a mis des siècles à s'imposer comme indispensable. Entre âpre concurrence, défis technologiques, bouleversements sociaux, censure politique et brutalités économiques. Un beau matin, un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda qu'on voulût bien le présenter au patron, ce que l'on fit. Le libraire, un vieil homme très digne, dévisagea avec attention ce garçon qui se tenait devant lui un peu gêné et l'invita à parler. « Je veux être libraire, dit le jeune homme. C'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, comme un bonheur, et il n'y a aucune raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous. Je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin, en vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j'en ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiant, et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois ils ne savent que faire de leur argent. Je crois, malgré mon jeune âge, posséder une certaine connaissance des hommes. D'autre part, j'aime les hommes, si différents soient-ils. Je ne me servirai donc jamais de ma connaissance des hommes pour avantager l'un plutôt que l'autre. Pas plus que mes concessions au pauvre diable n'iraient jusqu'à nuire à l'intérêt de vos affaires, monsieur. En un mot, sur ma balance de vendeur, l'amour des hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît tout aussi importante et nécessaire à la vie qu'une âme aimante et généreuse. Je saurai trouver le juste milieu. Soyez-en dès maintenant convaincu, monsieur. Patricia Sorel, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé un extrait d'un roman intitulé « Les enfants Tanner » de l'écrivain Robert Walser, suisse-allemand, un roman de 1907 qui était diffusé dans les Nuits magnétiques d'Irène Omelianenko en janvier 1997, et qui me paraît poser assez bien d'emblée ce que peut être le métier de libraire. Oui, tout à fait, c'est une belle introduction. On voit ce jeune homme qui rêve de devenir libraire. C'est vrai que le libraire, c'est un métier qui a un fort capital symbolique. Et c'est un métier qui, au cours des âges, a recouvert en fait des activités extrêmement différentes. J'en trouve la liste dans le livre précieux de Jean-Yves Mollier, consacré au même sujet et qui est paru après le vôtre. Il montre qu'au cours des trois derniers millénaires, les libraires ont été successivement bibliothécaires, archivistes, copistes, calligraphes, commerçants itinérants ou en boutique, parcheminiers, enlumineurs, relieur, mais aussi correcteur, puis imprimeur et éditeur, bientôt diffuseur et même distributeur. Et bien voilà pour nous un menu assez large. Y avait-il dans l'Antiquité des libraires? Oui, quand on a fait les fouilles à Pompéi, on a retrouvé par exemple qu'une boutique de libraires était là. Évidemment, ce n'était pas des livres sous forme de codex. Il faut évoquer le fait que c'était des rouleaux. Voilà, les volumènes. Les volumènes, donc les livres sous forme de papyrus, un peu plus tard de parchemin. Donc ces premiers libraires faisaient également le commerce de tablettes d'argile. On voit d'ailleurs ces tablettes sur les fresques de Pompéi. Oui, mais on connaît très mal en fait le commerce du livre dans l'Antiquité. La naissance du codex est à peu près le 3e siècle. Le codex, c'est-à-dire ces feuilles qui sont désormais reliées entre elles. Alors la naissance du codex, on la situe au 1er siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire romain. Et qui remplace ces rouleaux qui va remplacer peu à peu, qui remplace peu à peu les rouleaux, donc ces fameux volumènes. Et les tablettes aussi, il y avait des tablettes. Et les tablettes donc, en argile. Bon, alors nous nous rapprochons, portons-nous au Moyen-Âge, pour voir comment, au début du second millénaire, après Jésus-Christ, comment à Paris se définit progressivement le métier, l'activité de libraire. Il y a une évolution donc au Moyen-Âge, c'est-à-dire que au cours des 12e et 13e siècles en Occident, plus largement, la production des manuscrits sort des monastères et se laïcise. Et c'est en effet à cette époque que les universités apparaissent et donc pas seulement à Paris mais aussi ailleurs en Italie, en Angleterre et à Lyon, et donc les libraires font leur apparition auprès de ces universités. Ils s'installent donc puisque l'apparition des universités engendre un véritable commerce de livres, donc de manuscrits à l'époque, et donc les libraires s'installent auprès des universités, donc auprès de la Sorbonne à Paris, pour donc fournir en manuscrits les maîtres et les étudiants. En effet, un des lieux centraux, c'est cet espace défini par la rue Saint-Jacques, par la rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Dante. Là, on faisait des cours sur des bottes de foin et donc les libraires étaient tout proches. Mais déjà, il y avait une réglementation. Alors, il y avait une réglementation puisque, en fait, les libraires ne pourront pas, enfin, en théorie du moins, s'établir au-delà donc d'un certain quartier, donc le quartier donc du quartier latin, le quartier autour de l'université. Avec l'île de la Cité. Avec l'île de la Cité. Et un peu plus tard, certains franchiront la Seine et s'installeront rive droite. Quelle audace! Donc cette topographie se dessine et on distingue à ce moment-là, on distingue les stationnaires et les libraires, voilà qui mérite une explication. Alors le libraire recevait en dépôt les manuscrits à vendre et cherchait donc des acquéreurs parmi sa clientèle, donc essentiellement des maîtres, des étudiants, des magistrats, des officiers royaux, tandis que le stationnaire ajoutait à cette activité celle de faire ou de faire faire des copies de manuscrits anciens ou d'œuvres nouvelles qu'il mettait ensuite en circulation sous le contrôle de l'université. Donc le stationnaire, il était à la fois libraire et éditeur. Avec des règles qui, dès ce moment-là, deviennent assez contraignantes, venant de l'université et venant du pouvoir royal. Ah oui, puisque pour devenir libraire, donc il fallait prêter serment à l'université. C'est pour ça qu'on parlait de libraire juré. Les libraires, donc, par ce serment, s'engageaient donc à respecter les statuts arrêtés pour l'exercice de leur profession. C'est le début d'une très longue histoire où les libraires ont eu à se battre pour pouvoir exercer sans contrainte leur profession. C'est un moment aussi où naissent les confréries qui annoncent, au fond, très très longtemps à l'avance, ce que sont aujourd'hui les organisations de regroupement des librairies en dépit de l'individualisme de chacun. Oui, alors les confréries de libraires, de relieurs et d'enlumineurs se forment à cette époque, effectivement. Alors à Paris, la confrérie de Saint-Jean Porte-Latine. C'est Saint-Jean, leur saint protecteur. C'est Saint-Jean, leur saint, donc est fondée au tout début du XVe siècle en l'église Saint-André-des-Arts. Et toujours le quartier, toujours le quartier. On est toujours dans le même quartier. Et cette confrérie restera très active jusqu'à la Révolution. Et effectivement, donc elle fêtait le patron des libraires, qui sera aussi plus tard le patron des imprimeurs, donc Saint-Jean, qui est fêté à deux moments de l'année, le 6 mai, qui est la fête de Saint-Jean Porte-Latine, et le 27 décembre, qui est la fête de Saint-Jean l'Évangéliste. J'observe qu'aujourd'hui encore, c'est un lieu où les librairies sont abondantes, ou en tout cas l'étaient, puisque nous avons malheureusement dû verser un pleur sur la disparition de la librairie Gibert Jeune, qui est toute proche de ce lieu historique que vous évoquez, en bas du boulevard Saint-Michel. Et il y a eu un très bel article d'Annick Cojon dans Le Monde qui raconte cette longue histoire, 150 ans de présence. Une des familles est restée ailleurs, mais Gibert Jeune disparaît. Oui, ce quartier donc qui correspond aujourd'hui enfin au 5e, 6e arrondissement actuel a été longtemps donc le quartier des librairies mais également des maisons d'édition qui peu à peu ont quitté aussi ce quartier pour s'installer en banlieue parisienne. Alors vous citiez le cas de Gibert Jeune, on aurait pu également citer la disparition de la grande librairie des presses universitaires de France à l'angle de la place de la Sorbonne et du boulevard Saint-Michel. Juste à côté de la statue d'Auguste Comte. Voilà, il y a une quinzaine d'années, alors qui n'a pas heureusement complètement disparu puisqu'elle s'est installée dans une petite rue pas très loin, mais ça a été également un choc, c'est la disparition de cette grande librairie qui s'était installée en 1922. La municipalité de Paris, c'était l'époque de Jean Tiberi, avait essayé de maintenir cette librairie, ce qui ramène à la question des relations entre l'État ou la municipalité et les librairies aidées, contrôlées, surveillées, bridées. Oui, alors aider aujourd'hui, puisqu'effectivement le prix des loyers, c'est une grande difficulté qui se pose aujourd'hui aux librairies. Et donc il y a une volonté politique de maintenir les librairies et plus largement les petits commerces en centre-ville pour maintenir donc la vitalité donc des centres-villes. Alors avançons dans le temps, avançons vers le 16e, 17e, 18e siècle. Patricia Sorel, si vous le voulez bien, comment évolue le métier de libraire ? Il est soumis à beaucoup de contraintes, de mouvements divers, internes à la profession, exogènes aussi, pouvoir public, l'Église. Oui, alors le métier de libraire et le métier d'imprimeur, puisque l'imprimerie est apparue donc en France en 1470. Date essentielle donc pour ce sujet des librairies. Voilà, puisqu'on passe donc du livre manuscrit au livre imprimé. Et donc les libraires et les imprimeurs vont se grouper en corporations. On passe des confréries aux corporations, donc des corporations de métiers qui ne concernent pas seulement les métiers du livre. Donc la première corporation, elle apparaît à Rouen en 1579, et puis ensuite on va voir une corporation se créer à Bordeaux en 1608, à Paris en 1618, etc. Et ces corporations se dotent de statuts qui encadrent les conditions d'exercice de la librairie et de l'imprimerie. C'est-à-dire que désormais, pour pouvoir devenir libraire, il faut d'abord avoir été apprenti, puis compagnon, avant de pouvoir prétendre passer à la maîtrise. Alors la maîtrise qui est un examen coûteux, qui permet d'ouvrir sa propre librairie. Je vois qu'en mars 1782, un candidat à la fonction, au rôle de libraire, Alain Le Fournier, répond à 8 questions devant la chambre syndicale de Rennes. Voilà, c'était plus facile quand on était fils de libraire que quand on arrivait de l'extérieur, comme le personnage que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Walser. Les questions sont les suivantes. 1782. Quels sont les livres prohibés et défendus? À quoi reconnaît-on un livre contrefait de l'édition originale? Quelle est la forme des livres et de combien de pages suivant les formats? Qu'est-ce que la bibliomanie? Quelle est la connaissance de la bibliographie? Quelles sont les belles éditions connues en librairie, anciennes et modernes? À quoi doit s'attacher principalement un libraire dans la conduite de son commerce? Quelles sont les qualités d'un bon libraire? Il me semble qu'aujourd'hui encore, on pourrait offrir ces suggestions aux libraires contemporains. Au moins certaines d'entre elles, tout à fait. Et d'ailleurs, Le Fournier a réussi son examen qu'il a passé devant la chambre syndicale des libraires de Rennes. Et donc, il s'est installé ensuite à Brest, puisque on est maître libraire ou maître imprimeur dans une ville précise. Hein, et la maîtrise donne le droit donc de ne posséder qu'une seule librairie hein, ou qu'une seule imprimerie. Alors cette distinction ou cette concomitance entre la fonction de libraire et d'imprimeur, elle est le fait de cette période. Alors, beaucoup d'imprimeurs à l'époque sont également libraires, puisque cela leur permet de vendre au moins une bonne partie de leur production. Donc les deux métiers, effectivement, sont étroitement liés. Et il les vend sur place ou il les vend ailleurs? Ça pose toute la question très actuelle de la distribution et de la diffusion. Des ouvrages. Alors, la majorité des libraires ont un commerce, ont un débit exclusivement local. Mais d'autres ont un commerce beaucoup plus étendu. Si on prend l'exemple des libraires parisiens, les libraires parisiens ont des débouchés en Normandie, notamment à Rouen, mais aussi en Bretagne, en Touraine, en Orléanais. Ils vont également à Lyon, lors des 4 grandes foires annuelles, pour vendre leurs marchandises, mais également pour s'approvisionner. Donc cela, c'est un commerce intérieur au pays, à la France. Et puis, il y a un commerce international, d'autant plus important que c'est une manière d'échapper à la censure. Voilà, alors effectivement, donc le commerce des livres s'étend au-delà des frontières. Hein. Si on reprend l'exemple des libraires parisiens, les libraires parisiens, par exemple, importent des livres de Venise ou de Florence. Les Lyonnais, eux, par exemple, acheminent leurs livres jusqu'en Espagne, voire jusqu'au Portugal. Alors, ces grands libraires qui sont très actifs dans le commerce international, on tire d'ailleurs parfois d'importants profits. Hein, ils font partie donc des grands bourgeois hein, de la ville de Paris ou de la ville de Rouen. C'est une profession qui connaît dès ce moment-là une grande diversité entre les colporteurs plus ou moins faméliques et les libraires installés. Je pense au fameux Claude Barbin, le libraire de La Fontaine. De La Fontaine, oui. La libraire de Molière, le libraire de Boileau, qui lui affiche une prospérité frappante. Voilà, qui était libraire et éditeur, puisque justement il publiait donc les ouvrages entre autres, de La Fontaine. Alors effectivement, il y a une grande diversité dans le monde de la librairie, puisque vous avez donc à la fois ces grands libraires et donc des libraires beaucoup plus modestes, hein, qui tiennent une toute petite boutique dans une petite ville de province. Il n'y a pas de solution de continuité, en somme, jusqu'aux colporteurs un peu faméliques qui vont de ville en ville offrir des œuvres sommaires, religieuses ou des petites publications, les Mazarinades par exemple, qui sont au contraire hostiles au pouvoir public. Alors effectivement, donc le commerce des livres ne passe pas seulement par les libraires en titre. Hein. On a également des colporteurs qui apparaissent dès la fin du XVIe siècle. Hein. Alors d'abord dans les villes, et puis ensuite qui vont parcourir les campagnes au XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe siècle. Hein. Donc les colporteurs qui arrivent chargés d'une hotte ou d'une besace ou d'une boîte en bois qui portait en bandoulière et qui effectivement donc vendent dans les campagnes tous ces petits livres que sont les almanachs. Les livres à la Bibliothèque Bleue, qui sont donc des petits livres de colportage. Hein. Alors, on trouve plein de choses dans la Bibliothèque Bleue, donc à la fois donc des livres religieux, mais également des romans de chevalerie, la littérature burlesque, des contes de fées. Des petits ouvrages donc imprimés sur du papier grossier, mais qui étaient vendus seulement quelques sous. Hein, et donc, des ouvrages de petit format qui, comme les almanachs, donc étaient diffusés à un grand nombre d'exemplaires donc dans les campagnes. Par les colporteurs. Je vais vous faire entendre une archive, un extrait des mémoires de l'Académie des colporteurs. C'est un écrit du comte de Caylus qui invente cette académie qui n'existe pas. 1748, c'est un extrait du cabinet des curiosités de Vincent Quivy sur France Culture, le 23 mars 1998. Il imagine le colporteur et vous allez voir aussi qu'il évoque la clandestinité d'un certain nombre d'écrits que celui-ci charriait. J'aurais fait une grande fortune si je n'avais pas eu la fureur d'être en même temps colporteur. C'est là ce qui m'a perdu et ce qui m'a prouvé que le bel esprit appauvrit autant que l'esprit enrichit. Je n'entendais parler que de colporteurs saisis, pris et emmenés par le guet à pied. Je me fis colporteur à cheval et je portais impunément des brochures dans mes bottes. Il est vrai que quand le foin enrichérissait, J'étais obligé de vendre mes livres plus cher. J'aurais continué longtemps ce commerce sans un malheur qui m'arriva. Je débitais depuis quelque temps des dissertations sur les bêtes à cornes, mais on m'envoya un ballot d'exemplaires dans les corps desquels on avait malignement inséré plusieurs aventures qui n'étaient méchantes que parce qu'elles étaient vraies. Elles avaient toujours le titre de dissertation, dissertation sur monsieur le procureur de la cour, dissertation sur monsieur le conseiller des consuls. Le débit de ces exemplaires me perdit, je fus accusé, pris et enfermé. Depuis ce temps, on ne voit plus de dissertation, mais on voit toujours des bêtes à cornes. Mémoire de l'Académie des colporteurs imprimée à Paris en l'an 1748. C'est là qu'on retrouve, Patricia Sorel, la question de la censure. Robert Danton, magnifique historien américain de Princeton, a beaucoup travaillé sur ces choses. Nous l'avions reçu d'ailleurs en janvier 2019 pour évoquer ce double flux de livres qui, à l'époque, caractérise la France au XVIIIe siècle, du côté de l'histoire des libraires. D'une part, ceux qui partent de Paris, ouverts, centralisés, puis un autre chemin qui vient de l'étranger, notamment de Suisse, à Neuchâtel. Danton a mis en valeur l'importance de cet endroit où on a beaucoup publié, éventuellement piraté, des œuvres qui étaient officiellement offertes à Paris ou à Lyon. Oui, parce que sous l'Ancien Régime, le livre est soumis à la censure, même à une double censure, celle du roi, instituée par l'ordonnance de Moulin de 1566, et celle de l'Église, hein, qui recense les livres interdits dans son fameux Index Librorum Prohibitorum. Et donc, il existe tout un commerce clandestin de livres interdits, comme l'a très bien démontré Robert Danton. L'index date 1558, hein, l'ordonnance de Moulin qui protège la monarchie de 1566. Là, on est au mi-temps du XVIe siècle. Voilà, pendant les guerres de religion, hein, qui vont donc amener à la fois le pouvoir royal et l'Église à prendre des mesures de contrôle de la production et de la diffusion imprimée. Mais constamment, jusqu'à la Révolution, il y aura un flux d'ouvrages, soit politiquement douteux, soit éventuellement licencieux, libertins, pornographiques, qui entreront par des chemins obliques, parfois cachés dans du foin, comme c'était le cas du colporteur que nous venons d'entendre, colporteur fictif. Tout à fait, puisque les impressions clandestines, en fait, sont réalisées soit en France, alors à Paris ou dans les grands centres de province comme Rouen ou Lyon, mais aussi à l'étranger, comme l'a montré encore une fois très bien Robert Danton, et notamment donc en Suisse ou en Hollande, mais aussi en Allemagne. Et ils sont alors introduits clandestinement dans le royaume et vendus sous le manteau. Oui, le livre qui vient de paraître de Danton, qui s'appelle « Édité et piraté, le commerce des livres en France et en Europe au seuil de la Révolution » est tout à fait éclairant. Donc les libraires au XVIIIe siècle secouent quelque peu le joug de l'Église et de la monarchie, mais restent néanmoins très largement dominés, en dépit de Malesherbes, parce que Malesherbes, qui est le grand protecteur des gens des Lumières, qui est le bureau de la librairie, qui vient faciliter néanmoins les choses. Oui, alors en multipliant notamment les permissions tacites, donc qui permettent donc aux éditeurs de publier de façon officieuse tel ou tel ouvrage. Donc il y a un certain desserrement de la censure dans la seconde moitié du 8e siècle, hein, mais toutefois donc la censure reste bien présente, hein, et dans les années 1780, de plus en plus de libraires se tournent vers le commerce des livres interdits, même si celui-ci présente des risques, parce que hein, en raison de la crise qui touche hein, le pays, c'est aussi un commerce qui est beaucoup plus avantageux, rémunérateur. Le moment important, c'est évidemment la Révolution, qui dans un premier temps fait exploser toutes les contraintes qui pesaient sur le métier de libraire et d'imprimeur, et qui est suivi ensuite par un violent retour en arrière. Expliquez-nous ça, Patricia Sorel. Alors, la Révolution française, effectivement, fait voler en éclats hein, ce carcan qui pesait sur le monde du livre. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du d'août 1789 abolit la censure. Et l'autre date importante, c'est 1791, puisqu'en 1791, la loi d'Allard, elle, proclame la liberté du commerce, donc abolit les corporations. Il y a eu les deux lois, loi Le Chapelier et loi d'Allard, qui se complètent effectivement dans ce sens. Tout à fait. Et qui vient bouleverser le champ, le monde de la librairie en France à ce moment-là. Oui, puisque comme les corporations sont abolies, eh bien on voit s'ouvrir dans tout le pays de nombreuses librairies, donc des librairies qui sont ouvertes par des individus qui se lancent dans le commerce des livres sans forcément avoir de compétences ni d'expérience. Une autre conséquence de la Révolution, c'est qu'elle occasionne de nombreuses faillites. Hein, de nombreux libraires ne parviennent pas à s'adapter à cette concurrence inédite pour eux, hein, puisque les corporations avaient au moins l'avantage donc de les protéger hein, d'une trop forte concurrence. Et ils ne parviennent pas non plus à s'adapter à un marché en plein bouleversement. Les ouvrages religieux, vous l'avez dit, hein, les manuels scolaires, les publications de nature juridique ou administrative perdent toute valeur. Et donc de nombreux imprimeurs, de nombreux libraires doivent renoncer à écouler des stocks d'ouvrages qui sont désormais condamnés par l'idéologie révolutionnaire. Donc après cette période, cette efflorescence de la liberté, qui est d'ailleurs déjà limitée dès 1793-94, voilà. On guillotine des libraires. Oui, si l'exercice des métiers du livre restera libre jusqu'en 1810, en revanche, donc la liberté de la presse proclamée en 1789 donc est remise en cause dès le début de l'année 1793. Et donc on menace même de la peine de mort ceux qui vendraient, hein, diffuseraient des imprimés royalistes. Une quinzaine de libraires sont victimes de la terreur. Même un peu plus, puisque si on prend seulement l'exemple de Paris, à Paris, donc le tribunal révolutionnaire envoie à l'échafaud 28 membres des métiers du livre hein, entre mars 1793 et puis mai 1795. Alors le temps de l'Empire est celui où il y a une reprise en main par les pouvoirs publics, bien sûr, des libraires, à une époque où ce sont eux qui portent pour l'essentiel la diffusion des idées qui risquent, aux yeux de Napoléon, de devenir subversives. Tout à fait. Napoléon Ier donc va prendre la décision de réglementer hein, plus strictement les métiers d'imprimeur et de libraire. Et il y a un décret qui est très important, c'est le décret du 5 février 1810 qui soumet l'exercice de l'imprimerie et la librairie à l'obtention d'un brevet. C'est également un décret qui rétablit la censure préalable et qui institue également un numerus clausus, mais pas pour les libraires, c'est pour les imprimeurs. Hein. Le nombre d'imprimeurs sera désormais fixé dans chaque ville, c'était 80 à Paris, par exemple. La distinction entre libraire et imprimeur s'affirme ou... On a de nouveau deux brevets distincts. Hein. On a le brevet de libraire et le brevet d'imprimeur. Hein. On peut être à la fois imprimeur et libraire. Et comme sous l'Ancien Régime, le brevet ne donne le droit d'exercer que dans une seule ville, hein, la ville pour laquelle il a été demandé, et donc de ne posséder qu'une seule librairie ou une seule imprimerie. Il ne peut pas y avoir de réseau comme aujourd'hui de librairies. Non, pas de chaîne de librairies à l'époque. Le brevet dure jusqu'à la fin du Second Empire, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Napoléon III. Voilà, le brevet sera supprimé le 10 septembre 1870 exactement, soit 6 jours seulement après la proclamation de la Troisième République. Et pour tout dire, le monde des libraires est marqué par des comportements que l'on pourrait définir comme ceux de Girouette, parce qu'il s'agit d'abord de préserver son commerce. Je vois que ce libraire à Brest, Guillaume Marie-François Michel, avait expliqué qu'il était très attaché à la patrie et à la République, s'honorait d'avoir fait les campagnes de 92, 93 et 94, et qui, 20 ans plus tard, vient expliquer à quel point le retour de la monarchie est bienvenu. C'est avec l'enthousiasme le plus pur, dans l'effusion d'un cœur profondément pénétré, que je vois la famille des Bourbons remonter sur le trône qu'elle a si longtemps et si dignement occupé. Là, il faut peut-être expliquer ce que c'est que le brevet, en fait, hein, comment on obtenait un brevet à l'époque. Le candidat ou la candidate devait donc fournir deux certificats, un certificat de capacité professionnelle signé par quatre libraires déjà établis et un certificat de bonne vie et mœurs. Mais en fait, le critère essentiel, c'était en fait les opinions politiques du candidat. Et les candidats, donc, notoirement hostiles au gouvernement, donc, étaient sûrs d'être éliminés, de ne jamais avoir de brevet. Et c'est ainsi que, effectivement, vous l'avez dit, il y a des retournements de veste. Hein, les libraires, au fil des changements de régime au XIXe siècle, les postulants au brevet se déclarent fervents royalistes sous la Restauration, défenseurs de la charte constitutionnelle sous la monarchie d'Huillet ou bonapartistes sous le Second Empire. On trouve dès ce moment-là, je parle du Second Empire, une tension entre les éditeurs et les libraires. Souvent, je vois qu'il y a une protestation de 57 éditeurs en janvier 69, une pétition adressée au Sénat qui dit ceci: « Nous ne craignons pas de l'exprimer. La restriction du nombre de libraires n'est pas seulement la cause d'un grand dommage pour notre industrie, c'est une mesure de lèse civilisation qui n'a aucune raison d'être. » Les éditeurs souhaitent qu'il y ait le plus possible de lieux de vente. En face, au contraire, les libraires s'écrient « Les éditeurs parisiens sont nos ennemis, nos exploiteurs. » Et messieurs les députés, s'adresse à la Chambre et non pas au Sénat, à qui nous en appelons, ne sacrifieront pas les départements qu'ils représentent à un groupe de monopoleurs. Alors, c'est parce que les Hachette, les Lévy, etc., sont accusés de vouloir ruiner l'imprimerie française et de faire fermer toutes les librairies en couvrant la province de succursales destinées à écouler leurs romans. Oui, donc là, on a une période donc dans la seconde moitié du XIXe siècle où les deux métiers se séparent. Hein, le métier donc d'éditeur qui est devenu donc un métier à part entière et le métier de libraire. Et donc on voit là donc des intérêts donc qui commencent à opposer. Hein, donc d'un côté des éditeurs donc qui souhaiteraient avoir davantage de points de vente sur tout le territoire pour pouvoir davantage diffuser leurs livres. Et d'un autre côté donc des libraires donc très conservateurs qui pour la plupart sont attachés au brevet parce que cela les protège, le brevet les protège donc de la concurrence et aussi de la surproduction. Le 19e siècle, c'est celui au temps du brevet qui suscite souvent la nostalgie ultérieure des libraires comme une sorte d'âge d'or qu'on embellit d'ailleurs rétrospectivement. C'est le temps de l'expansion du réseau et le Balzac est à cet égard celui qui nous informe le mieux dans Les Illusions perdues. Écoutez cet extrait qui montre Lucien de Rubempré venant proposer un ouvrage à l'éditeur Vidal. Écoutons-les. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Messieurs, je suis auteur d'un roman sur l'histoire de France à la manière de Walter Scott et qui a pour titre « L'archer de Charles IX ». Et je vous propose d'en faire l'acquisition. « Monsieur, répondit Vidal brutalement, monsieur, nous ne sommes pas libraires-éditeurs. Nous sommes libraires-expéditionnaires. Quand nous faisons des livres pour notre compte, ils constituent des opérations que nous entreprenons alors avec des noms faits. Nous n'achetons d'ailleurs que les livres sérieux. Mais mon livre est très sérieux. Il peint la lutte des catholiques qui tenaient pour le gouvernement absolu et des protestants qui voulaient établir la République. Je ne vous dis pas, monsieur, que votre livre ne soit pas un chef-d'œuvre, reprit Porchon. Mais nous ne nous occupons que de livres fabriqués. Allez voir chez ceux qui achètent des manuscrits. Cet extrait des Illusions perdues de Balzac, 1837, est dû à Jean Gilibert dans Plaisir de lecture, une émission qui remonte à janvier 1963. Alors, les voilà face à face? L'auteur en face de l'éditeur. Voilà, l'auteur en face de l'éditeur, l'auteur d'ailleurs qui est un peu perdu puisqu'il frappe pas à la bonne porte en fait. Et on voit donc toute la diversité que recouvre encore le mot librairie, puisqu'au XIXe siècle, la librairie comprend tout à la fois donc la librairie d'assortiment ou libraire détaillant, qui sont donc les libraires tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais également donc les libraires de fond, qui sont aussi éditeurs et parfois aussi imprimeurs. Et troisième catégorie, ce sont donc les libraires commissionnaires qui sont des intermédiaires entre les libraires des départements ou de l'étranger et les libraires éditeurs de Paris et qui sont en quelque sorte, si vous voulez, les ancêtres de nos diffuseurs. Ce qui marque cette période du 19e siècle, c'est l'expansion à la fois du réseau des libraires et du lectorat. Balzac observe en 1830, le même Balzac, l'immense consommation de livres a décuplé l'importance du commerce de la librairie. En 1750, les chiffres de vente sont intéressants. En 1750, un livre n'allait pas, fût-ce l'esprit des lois de Montesquieu, en plus de 3 ou 4 000 mains. Aujourd'hui, on a vendu 30 000 exemplaires des premières méditations d'Alphonse de Lamartine. 60 000 Béranger, le grand poète Béranger, c'est fameux à l'époque, un peu oublié aujourd'hui, 60 000 Béranger depuis 10 ans, 30 000 exemplaires de Voltaire, de Montesquieu, de Molière, qui ont éclairé les intelligences, et chose miraculeuse, on n'a plus répandu pendant ces 5 dernières années d'exemplaires de Rabelais que depuis 100 ans. Dans l'histoire des librairies, c'est un phénomène essentiel, non ? Oui, oui, et c'est véritablement au XIXe siècle que le commerce de librairies change d'échelle, hein, porté à la fois par la révolution industrielle, mais aussi par les progrès de la scolarisation et de l'alphabétisation. Et donc, les libraires deviennent plus nombreux à la fois à Paris et dans les grandes villes de province, mais d'autres aussi s'installent dans des localités qui jusque-là n'avaient jamais eu de librairie. Les librairies, à l'époque, continuent d'être, pour une bonne part, des maisons d'édition, je pense... Par exemple, à la maison Levrault à Strasbourg, MAM à Tours, ou la librairie Privat à Toulouse, qui existe toujours, l'éditeur Privat, ou bien encore la librairie Nouvelle, qui est fondée par Jacques Cottet, rachetée par Michel Lévy, l'éditeur de Flaubert. Voilà, en 1861. Effectivement, ce sont ces librairies qui sont les plus importantes, hein, donc ces librairies qui sont également des maisons d'édition, donc qui offrent un vaste assortiment d'ouvrages et qui emploient un personnel nombreux. On voit d'ailleurs une certaine évolution géographique dans Paris, parce que les grands boulevards commencent d'accueillir des éditeurs qui sont aussi des grands libraires. Flammarion, par exemple, voilà, est sur le boulevard des Italiens. Le jour de la parution de Poil de Carotte, ça c'est une pratique qui doit durer encore chez les auteurs. On voit Jules Renard, d'après son journal, qui s'y précipite pour regarder obliquement la pile de volumes de son Poil de Carotte. Et qui se réjouit d'entendre le garçon de Flammarion qui crie « Un poil, deux poils, trois poils !» Les auteurs donc viennent surveiller la vente de leurs livres, à la fois donc à la librairie Nouvelle et également donc chez Flammarion, hein, vous l'avez dit, qui était situé à quelques pas. Et puis il y a les arcades de l'Odéon, qui aujourd'hui sont assez désertes, à vrai dire, du côté du Sénat, qui à l'époque sont foisonnent de vie, les chalands viennent très nombreux. Voilà, il y avait donc la librairie Flammarion, hein, sous les arcades de l'Odéon. Donc d'ailleurs Flammarion qui était devenu le plus gros libraire de Paris à la fin du XIXe siècle, puisqu'en tout il avait 5 librairies. Et il y a une autre donnée qui vue d'aujourd'hui nous intéresse, c'est la spécialisation des libraires. Jusque-là en gros on vendait toutes sortes de livres. Cette spécialisation s'accentue notamment sur le marché parisien. Librairie religieuse dans le quartier Saint-Sulpice, les librairies scolaires dans le quartier latin, les librairies juridiques à proximité de la Sorbonne, les librairies médicales autour de l'école de médecine, les librairies théâtrales et musicales dans le quartier du Palais-Royal, etc., etc. Oui, parce que le marché du livre est devenu suffisamment important pour permettre cette spécialisation. Alors, on aurait pu ajouter également les librairies de livres en langue étrangère, et notamment la grande librairie Galignani, qui existe toujours, à côté des Tuileries. Voilà, rue de Rivoli, qui fête d'ailleurs cette année ses 220 ans. Saluons. Oui, on doit noter que le 19e siècle, c'est aussi le temps des bibliothèques de gare, le réseau installé par Louis Hachette, qui, dans l'histoire de la lecture en France, est un moment important. Oui, c'est un autre réseau qui s'ouvre pour le livre. Donc, Louis Hachette, qui installe sa première bibliothèque de gare, hein, qui est en fait un kiosque où l'on peut trouver à la fois des livres et des journaux. Ancêtre des boutiques Relais. Qui est désigné bizarrement R-E-L-A-Y, mais je ne m'attarderai pas. Si l'on se porte maintenant, Patricia Sorel, vers le temps de la Troisième République, on voit les libraires continuer d'avoir dans la vie culturelle une importance majeure. Je pense par exemple au père d'Anatole France, Noël Thibault, qui entre bibliophilie et vente des livres a une importance notable. Là, vous évoquez une catégorie de librairies un peu particulière, hein, qui sont donc les librairies d'anciens et d'occasion, donc les librairies dites à chaise, d'ailleurs, à l'époque, hein, puisque les bibliophiles venaient y discuter. Hein, ce sont des librairies un peu à part, si je puis dire, chez les libraires. Et c'est le temps aussi où s'affirment les bouquinistes des quais, qui sont les héritiers de ces colporteurs du XVIIe siècle que nous évoquions. Ils s'affirment au début du XXe siècle, avec ces grandes boîtes vertes qui sont parfois menacées d'ailleurs par le préfet de police et qui finalement imposent leur nécessité et leur popularité. Oui, alors les bouquinistes, en fait, ils s'installent donc sur les quais à Paris sous le Premier Empire, donc sur les quais nouvellement bâtis, mais ce n'est que sous le Second Empire qu'ils reçoivent en fait l'autorisation d'exercer, hein, donc en 1859. Et de laisser leur caisse sur voilà, place, c'est très important. Voilà, ils deviennent en fait concessionnaires de la ville de Paris qui les autorise à installer leur boîte et à des endroits fixes sur les parapets. Et c'est seulement en 1891, donc sous la Troisième République, que les bouquinistes obtiennent l'autorisation de laisser sur place effectivement leur boîte, ce qui leur permet de ne pas remballer chaque soir leurs marchandises. C'est le temps aussi où on retrouve une tradition du cabinet de lecture, qui est également liée à l'histoire de la librairie que nous évoquons ce matin. Cela remonte en gros à la Restauration et ça se prolonge sous la Troisième République. Oui, alors les cabinets de lecture sont beaucoup plus anciens en fait. Hein. Les premières formes de location de livres apparaissent à la toute fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Hein. Mais effectivement, les cabinets de lecture connaissent leur âge d'or dans les années 1820-1830. Hein. Location des livres par des libraires et non pas vente. Voilà, les cabinets de lecture sont des endroits où l'on loue des livres et des journaux. Donc on peut lire sur place pour quelques sous, ou on peut également donc emprunter des livres. Et donc là, les conditions d'abonnement varient d'un établissement à l'autre, puisque ce sont des établissements privés qui sont tenus par des libraires, mais également par une multitude d'individus qui y voient donc un moyen de compléter leurs ressources. Là, c'est la version minimale, mais on voit les librairies s'affirmer souvent comme un lieu culturel, aujourd'hui encore, c'est pourquoi nous sommes si attachés à ce qu'elle demeure ouverte. Et l'extrême de cette évolution, la plus célèbre, la plus fameuse, c'est probablement la librairie d'Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Adrienne Monnier donc ouvre sa librairie donc en 1915, hein, donc rue de l'Odéon, la maison des amis des livres. C'est à la fois donc une librairie et une bibliothèque de prêt. Cette librairie va s'illustrer par les animations qu'elle propose, hein, puisque elle invite de grands auteurs, hein, de grands écrivains, dont Guillaume Apollinaire, Léon-Paul Fargue, André Gide, Paul Lotto. Eh bien, donnons-lui la parole. Elle le raconte elle-même dans cet extrait, dans cette interview de la radio d'État le 28 mai 1947, Adrienne Monnier. Quand j'étais gosse, je n'avais qu'une idée, c'était d'être écrivain. Mais je comprenais bien qu'on ne peut pas vivre de sa plume. Alors, le plus naturel était de se diriger vers les livres, ne pouvant pas en faire, vers ceux que les autres avaient écrits. Et voilà pourquoi j'ai fait ma maison. Et je me disais bien, mon Dieu, si je suis libraire, je pourrais acheter tous les livres possibles et imaginables, et puis je les lirai, puis les gens les liront après moi. Mes premiers clients sont devenus très vite mes amis, puis alors on a parlé de moi, on a dit « Tiens, mais rue de l'Odéon, il y a une jeune fille qui est très curieuse, qui est très enthousiaste. » J'ai fait ma maison en 15, en novembre 15, c'est-à-dire la deuxième année de l'autre guerre, et dès le début de l'année 1916, j'ai connu dans le même mois de janvier, je crois bien, Léon-Paul Fargue et Jules Romain. C'est à ce moment-là que nous avons fondé l'Ordre des Potassons. Alors les potassons, c'était en somme les bons vivants, pour dire simplement les choses. Les séances, moi, que j'aimais beaucoup et que les gens aimaient beaucoup, c'était celles qui avaient lieu à la librairie. Naturellement, on étouffait parce qu'on était empilés dans cette petite librairie que vous connaissez bien, on était facilement 150. Mais enfin, il y a eu des choses historiques, on peut dire. Par exemple, Romain nous a lu en 17, ça a été la première séance, son poème Europe. Il y a eu en 18 une séance Fargue, avec Ricardo Vignès, le grand pianiste qui jouait des morceaux de musique choisis par lui, qui était ravissant, du Debussy, du Ravel, et puis Jean Yonel qui lisait des poèmes, et Fargue et moi aussi d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que nous avons eu d'important? Il y a eu le Socrate de Satie, avec Suzanne Balgueri, et l'auteur, et Cocteau avait fait une présentation. À cette séance, comme chacun sait, étaient présents Claudel, Gide. La première séance, Paul Valéry, a eu lieu en avril 19. Et là, Gide lisait, et c'est là qu'il a lu La Pitié, de cette façon absolument épatante, il l'avait d'ailleurs dactylographiée, elle n'avait pas paru. Fargue lisait aussi, André Breton. Maintenant, dans les séances, encore bien important, il y a eu cette fameuse présentation de James Joyce par Valérie Larbeau, c'est là qu'on a lu les premiers fragments d'Ulysse, traduits en français. Nous avons eu aussi une autre séance Joyce, mais beaucoup plus tard, en 31, j'avais fait là une petite conférence, Joyce et le public français, et nous avons lu un fragment d'Anna Livy Plurabel, écrit non pas en anglais, mais en langue Joyce, qu'on avait traduit tant bien que mal, il y avait 7 traducteurs, et c'était très intéressant. Enfin, vous savez, il y a un volume à écrire sur les séances de la maison, mais je vais tout de même mentionner la dernière, qui a été très émouvante. C'était en 41, pendant l'occupation, et Paul Valéry est venu lire chez nous, à l'occasion des noces d'argent de la librairie, Mon Faust. Oui, donc on voit là que effectivement la Maison des Amis des Livres était fréquentée par les plus grands écrivains du moment, hein, que Adrienne Monnier est devenue rapidement une figure importante du monde du livre à Paris. Symbolique d'ailleurs d'une ambition de la librairie. Tout à fait, et elle avait donc aussi de multiples activités, puisqu'elle a aussi publié des ouvrages, hein, des périodiques, hein, et il faudrait aussi donc citer Sylvia Beach. Juste en face, en fait. Voilà, juste en face, qui va installer sa librairie également rue L'Odéon. Aujourd'hui, elle a été transportée. Elle existe toujours en face de la préfecture de police sur le quai. C'est la librairie Shakespeare et compagnie, donc qui va fermer en 1941. Et celle qui existe actuellement, en fait, elle a été rouverte, si je puis dire, hein, par George Whitman en 1951. Adrienne Monnier évoque la période de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui est évidemment pour les librairies un moment également essentiel, compte tenu de la présence pesante de l'occupant. C'est le moment où on fait des listes de livres qui doivent être détruits ou refusés, les fameuses listes auto. Certains éditeurs, d'ailleurs, les établissent un peu à l'avance. Oui, alors c'est une période douloureuse, effectivement, aussi pour les librairies. Alors, déjà, qui souffrent des destructions, hein, puisque une partie des librairies ont été en partie ou totalement détruites. Et effectivement, donc, c'est une période où existent ces fameuses listes auto, qui recensent donc les ouvrages interdits. Alors, c'est une liste qui a été mise au point par les éditeurs français, hein, des listes donc qui sont diffusées après donc la signature de la convention de censure, hein, signée donc entre le syndicat des éditeurs et la propaganda, donc du côté allemand, au tout début du mois d'octobre 1940. Et ces listes auto donc recensent tous les livres interdits, c'est-à-dire les livres jugés anti-allemands, des livres d'auteurs juifs ou consacrés ou des biographies consacrées à des juifs, ou également des traductions d'ouvrages anglais, exception faite des classiques. Et donc les libraires vont devoir retirer de leur rayon tous ces ouvrages désormais interdits. Alors, d'où vient le mot auto ? On n'en est pas sûr. Alors certains l'attribuent donc à Otto Abetz, qui était ambassadeur tout à fait, à Paris. Du Reich à Paris, mais aucun document ne permet de l'attester. Et puis il se crée des librairies anti-juives, telles que celle que je vais vous faire visiter, grâce à cet archive de Radio Paris, le 16 février 1942. C'est un reportage, pourquoi ne pas le citer, d'André Saudemont. Au rez-de-chaussée, au siège de la librairie, j'entre, je vois devant moi un petit buste d'Édouard Drumont qui a sa place ici, et au mur, un portrait du maréchal Pétain. Mais je voudrais bien m'approcher de quelqu'un qui, je crois, est en train de faire une commande. Monsieur, j'arrive d'Allemagne, j'étais prisonnier de guerre, n'est-ce pas ? Et inutile de dire que nous avons eu l'occasion de parler longuement de toutes ces questions juives, n'est-ce pas, avec mes camarades. Alors, mademoiselle, je voudrais me documenter, quoique je le sois déjà quelque peu. Enfin, je voudrais compléter ma documentation et je vous demanderai de vouloir bien me signaler quelques ouvrages, n'est-ce pas, susceptibles, n'est-ce pas, de m'éclairer davantage sur un problème que je trouve absolument capital pour l'avenir de la France, n'est-ce pas. Les livres qui sont plus intéressants, c'est les livres de Louis-Ferdinand Céline. Oui. J'ai la Bagatelle pour un massacre. Que j'ai lu, celui-là. Oui, les Boudras. Les Boudras. L'école des cadavres. On m'a signalé également un ouvrage qui s'appelle « Les Juifs et nous » de M. Bélanger-Chaumet. André Chaumet. Oui. Et puis « La France juive » de Drumont, qui se vend beaucoup. Maintenant, j'ai toutes les éditions de l'Institut. Alors, ce qui se vend le mieux, c'est du Céline, si je puis dire. Le Céline, c'est ça, oui, le Céline. Parfait, mais je profite de ce que je vois. Le capitaine Saisy, qui est, comme vous le savez, le secrétaire général de l'Institut. Je voudrais bien vous demander, mon capitaine, pourquoi vous avez installé cette librairie au siège même de l'Institut. Nous avons estimé qu'il fallait donner une nourriture spirituelle au peuple et faire connaître cette question juive dans toute son ampleur. Jusqu'à présent, cette documentation manquait. Nous avons reconstitué ici, non seulement une bibliothèque, mais une salle également de lecture, non seulement également une librairie, mais un centre presque de documentation que nous mettons à disposition de tous nos amis. La bibliothèque comporte presque 10 000 ouvrages. D'ailleurs, c'est considérable, hein. Où là, on peut faire des études très approfondies, puisque la plupart de ces livres ont été écrits par des juifs eux-mêmes. Je voulais vous demander, en ce qui concerne les livres que vous avez ici en librairie, ce sont surtout des livres modernes. Oui, parce qu'avant la guerre, vous n'ignorez pas que tout ce qui était écrit sur les juifs était complètement boycotté. On ne pouvait plus rien faire paraître. Il faut préciser que l'institut dont il est question dans cette archive, c'est l'Institut des études des questions juives qui a été inauguré le 11 mai 1941. Les commentaires sont probablement inutiles, donc passons à la 4e République, n'est-ce pas, si vous voulez bien, Patricia Sorel, qui est une période de grande mutation de la profession de libraire, à quoi nous consacrons aujourd'hui cette émission. Dans les années 50-60, on voit donc l'apparition et le développement des supermarchés puis des hypermarchés qui donc engendrent de nouvelles pratiques de consommation. Cela remet complètement en cause l'accueil de la clientèle dans les librairies. Et on va voir donc les librairies prendre en compte ces nouvelles pratiques de consommation et se moderniser. On voit donc les allées de circulation qui s'élargissent, un accès aux livres, un accès au rayonnage facilité. On peut feuilleter. On peut feuilleter les livres. On peut circuler entre les rayons. En fait, la librairie ressemble donc de plus en plus aux librairies que l'on connaît aujourd'hui. Autre donnée, l'apparition à partir de 1953 du livre de poche qui est accueilli par les libraires avec souvent des sentiments mitigés. Certains considèrent que le poche, c'est un produit qui est pas rentable, et trop peu cher, qu'il contribue surtout à favoriser donc la multiplication des concurrents des libraires, donc les grandes surfaces notamment. C'est un réflexe qui renvoie peut-être au XVIIIe siècle aussi, lorsque les libraires vendant les livres majestueux, ceux qui étaient reliés, etc., s'inquiétaient de la diffusion des petites publications. On retrouve effectivement l'opposition entre le beau livre, coûteux, et puis le livre pas cher, mais qui justement donc séduit certains libraires, puisque certains libraires constatent que ce petit livre pas cher permet donc d'attirer dans leur magasin une nouvelle clientèle. Produit d'appel. Voilà, produit d'appel pour une clientèle, par exemple, d'étudiants. Il y a aussi le phénomène des clubs. Alors les premiers clubs apparaissent dans les années, enfin le premier club c'est en 1946, mais il y a une première phase de clubs dans les années 1950 qui effectivement donc font concurrence aux libraires. Et d'ailleurs les libraires vont lancer leur propre club, le club des libraires de France qui est lancé donc à la fin de l'année 1953. Mais en fait tous les clubs vont décliner dans les années 1960 et disparaissent à la fin des années 60, avant donc que l'on voit la deuxième grande période des clubs, donc avec l'arrivée de France Loisirs évidemment en 1960. La préoccupation majeure reste pour la majorité des libraires, cette concurrence du BHV, de la FNAC, etc. Et cela conduit à ce moment essentiel dans l'histoire des librairies, qui est le prix unique des livres, la loi qu'on appelle la loi Lang, qui est adoptée dans les tout débuts du septennat de François Mitterrand, 1981, et qui entre en vigueur au début de 1982, date fondamentale et qui vient cristalliser l'effet de débat qui secoue la profession. Oui, on a parlé là de l'arrivée de la concurrence des super et des hypermarchés qui sont de plus en plus nombreux à proposer des livres. Mais ce qui met le feu aux poudres, c'est réellement donc l'ouverture de la FNAC, de la librairie FNAC à Paris, donc près de Montparnasse, rue de Rennes, en mars 1974. Et la FNAC qui propose d'emblée des livres vendus avec un discount de 20%. Et donc grand émoi donc là chez les libraires et chez une partie des éditeurs qui donc du coup vont militer une partie d'entre eux donc pour l'instauration d'un prix unique, d'un prix fixe pour le livre. Chose obtenue après 1981 par la loi Lang. C'est un cas très très topique et intéressant entre deux doctrines, celle de l'intérêt supposé du consommateur que ça coûte le moins cher possible et la préoccupation que le réseau des librairies qui irrigue la vie culturelle dans le pays tout entier soit préservé. Et c'est ça qui se noue. Écoutez donc les arguments de ceux qui sont contre le prix du livre. Ils sont intéressants à réécouter aujourd'hui que cette habitude est entrée dans les mœurs. C'est Michel-Édouard Leclerc, d'une part, et Michel Barouin, d'autre part, qui est le PDG de la FNAC, précisément. Tous les deux sont vent debout contre l'idée du prix unique, limitant à 5% les rabais possibles. D'abord, nous ne respecterons pas cette loi. Nous avons gagné une première manche auprès de la Cour de justice européenne et celle-ci est à nouveau saisie par le tribunal de Thouars dans les Deux-Sèvres. Apparemment, cette loi n'est pas légale. Deuxièmement, nous estimons que pour vendre mieux le livre, il faut la liberté des prix. Nous ne respectons pas cette loi. Nous continuons à discounter d'à peu près 20% le prix de chaque livre dans l'intérêt de nos consommateurs et nous allons par ailleurs lancer une grande campagne à Paris et en province pour montrer notre détermination à conquérir cette liberté. Le libéralisme, ça ne se partage pas. Je ne vois pas pourquoi le commerce, la distribution, serait exclu du champ d'application du libéralisme. Un autre rebelle, c'est Michel Barouin, le PDG de la FNAC. Lui, va encore plus loin. Nous avons eu des contacts, j'ai eu le Premier ministre, personnellement, qui m'a dit, nous allons entamer le processus de révision de la loi Lang. Ce que je demande, c'est la réunion d'une table ronde. Nous sommes dans une démocratie, dans un pays de liberté. Je pense que le livre est un instrument de promotion de la culture. Et quand on me parle de francophonie et que je constate que des ouvrages, par exemple les œuvres de Victor Hugo édités à Moscou sont vendus moins cher en pays francophone que des ouvrages, le même ouvrage édité en France, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Ces propos de Michel-Édouard Leclerc et de Michel Barouin ont été donnés à Interactualité le 4 juin 1986. On peut rappeler, Patricia Sorel, que Michel Barouin était un grand ami de Jacques Chirac et a espéré qu'au moment du retour de la droite en 1986, on puisse revenir sur le prix du livre. Mais la décision était enracinée, il n'était pas possible de revenir en arrière. Barouin a été le premier président de la mission du bicentenaire avant de mourir tragiquement dans un accident en Afrique. Alors d'autant plus que Jacques Chirac avait soutenu le prix unique du livre dès 1979. Il faut dire qu'il était en opposition à Giscard d'Estaing, président de la République. Et cette observation nous entraînerait trop loin. Michel Leclerc parle d'une loi qui n'est pas légale, ça n'est pas très clair. Michel-Édouard Leclerc et le PDG de la FNAC vont contester la compatibilité de la loi Lang avec la législation européenne. Mais la Cour de justice européenne, dans un arrêté du 10 janvier 1985, validera les principales dispositions de la loi Lang. Ce qu'on peut en tout cas, avec le recul, conclure, en s'intéressant au réseau des librairies, c'est qu'il a pour l'essentiel perduré grâce à la loi Lang, en différence avec ce qui s'est passé dans beaucoup de pays étrangers qui n'avaient pas l'équivalent dans leur législation. Oui, tout à fait. On peut dire que la loi Lang a atteint l'un de ses objectifs, c'est-à-dire le maintien d'un réseau dense de librairies, la préservation de la diversité éditoriale. La période la plus récente, mais nous ne l'aborderons pas en détail, Patricia Sorel, elle est marquée par l'arrivée du numérique qui joue un rôle essentiel à la fois pour la gestion des librairies, pour l'établissement des bibliographies et aussi pour la diffusion du livre. Internet bouleverse toute la filière du livre Internet a représenté et représente une concurrence redoutable pour les libraires, pour les librairies physiques. Nous n'avons pas prononcé le nom d'Amazon, mais c'est fait. Amazon.fr qui arrive en France en septembre de l'an 2000, qui inquiète beaucoup les libraires, puisque désormais le livre se trouve à la portée d'un clic sur Internet. Les libraires craignent de perdre leur clients. Ce combat n'est pas achevé et on aura besoin une fois de plus de l'intervention des pouvoirs publics. Merci beaucoup Patricia Sorel de nous avoir permis de parcourir cette très longue histoire, celle des librairies jusqu'aujourd'hui, ces librairies dont nous avons tant besoin. Merci à vous. Votre livre, Patricia Sorel, s'intitule « Petite histoire de la librairie française », publié tout récemment aux éditions La Fabrique. Après que je vous avais invité, j'ai reçu trois livres importants. Celui de Robert Darnton, édité et piraté, Le commerce des livres en France et en Europe au seuil de la Révolution, chez Gallimard, collection des essais. Le livre important, auquel je renvoie aussi avec plaisir, qui s'élargit au-delà du cas français, le livre de Jean-Yves Mollier, Histoire des libraires et de la librairie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Puis enfin, un ouvrage majeur, que j'avoue ne pas avoir encore entièrement fait mien, parce qu'il a 800 pages, Yann Sordet, qui est le directeur de la bibliothèque Mazarine, nous donne chez Albin Michel une histoire du livre et de l'édition, avec précisément une postface de Robert Darnton. Aveuglément, je le recommande chaleureusement. Et j'ai signalé que nous avions déjà parlé de ces sujets, notamment avec Robert Darnton, sur le thème du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, une soif de livres. Samedi prochain, nous parlerons, c'est vraiment actuel, du mode de scrutin à l'intérieur du système électoral qui est le nôtre, un débat sans fin, point d'interrogation. Nous verrons François Bayrou, nous verrons Emmanuel Macron et nous en verrons d'autres qui passeront bien plus anciens, Gambetta, Aristide Briand, etc. Je recevrai pour en parler Michel Vinocq. Lundi prochain, vous retrouverez le cours de l'histoire à 9h de Xavier Mauduit qui consacrera sa semaine aux archives avec Yann Potin dès lundi matin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Yves Lehors à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans quelques instants, je passe le témoin à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.